نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc, chers frères, chers sœurs, là on vient de terminer le premier fondement des trois fondements de Cheikh l'Islam, Mohamed Abdel Wahhab. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on attaque le deuxième fondement qui consiste sur l'Islam. قال المصنف رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان وأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc ce qui veut dire, approximativement, le deuxième fondement, c'est la connaissance de la religion de l'islam avec les arguments, avec les preuves évidentes. Et c'est la soumission à Allah avec l'unicité. Et le rabaissement envers Allah subhanahu wa ta'ala avec l'obéissance et une sincérité contre le polythéisme. Et il est de trois degrés. Il y a l'islam, la soumission, l'iman, la foi, la croyance, ou l'ihsan, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est l'excellence, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Et chaque degré de ces trois sortes, ils ont des piliers. Donc on verra bien qu'après, que chaque degré, dans l'islam, l'iman ou l'ihsan, chacun a des piliers. Et en premier lieu, les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. D'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage vers la maison d'Allah. Donc on reprend. Donc il y a Cheikh Ben Baz Hafidhahullah qui dit هذا هو الأصل الثاني. Et voilà le deuxième fondement. وهو دين الإسلام. Et c'est la religion de l'islam. وهو ثلاث مراتب. بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. Et elle est de trois degrés que le prophète صلى الله عليه وسلم a démontré. فأولها الإسلام. Le premier, c'est l'islam. La soumission. وهو الإخلاص لله وحده. Et c'est la sincérité envers Allah seul unique. يعني الاستسلام لله بالعبادة, c'est-à-dire une soumission complète vers Allah dans l'adoration. وتخصيصه بها دون كل ما سواه, et de lui vouer un culte exclusif à lui et de ne pas le vouer à quelqu'un d'autre. والبراءة من الشرك وأهله, et de désapprouver et d'être innocent, de se rendre innocent de tout polythéisme et des polythéistes. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمَ. Et c'est seulement lorsqu'il aura fait ça qu'il s'y deviendra soumis. J'intercède auprès d'Allah seulement. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِتُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ce n'est pas donc que pour qu'ils soient intercesseurs auprès d'Allah. Eux, en dernier lieu, celui qu'ils adoraient, c'était Allah. Mais leur tête, elle les a poussés à faire quoi? À prendre des divinités entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Omis Allah en étant satisfaite. Si une personne elle est adorée omis Allah, mais elle n'a jamais demandé d'être adorée, elle est contre ceci, on n'appellera pas cette personne-là par eux. Parce que ça serait quand même une injustice. Hein, combien adorent des tombes et des saints, et il faut que le saint, lui, c'est quelqu'un qui est proche d'Allah, il n'a rien à voir dans tout cela, il n'aura jamais rien demandé. C'est les gens qui l'ont fait après sa mort. Et c'est pour ça, il faut bien remettre les choses à leur place, comme on dit. Donc, la meilleure pour le Tarout, celui qui mécroit au Tarout, voyons, mim billah, et il croit en Allah, lui, c'est attaché à la religion d'Allah claire. D'accord ? Et c'est pour ça que ça ne suffit pas de dire « Ouminu billah, je crois en Allah ». Mais il faut en même temps « Takfur bi kulli ma siwa Allah ». Tu m'écrans tout ce qui est hormis Allah. Donc il faut ces deux conditions-là. Il y en a plein qui croient et qui disent « Non mais c'est bon, je crois en Allah ». Oui, mais il faut que tu reconnaisses que tout ce qui est hormis Allah, il faut « Takfur bihi », yani tu m'écrans en ces choses-là. الكفر بالطاغوت معناه ولا إذا مكروه الطاغوت تدير البراءة من الشرك وأهله de se rendre innocent hein, de désapprouver le polythéisme et les polythéistes وإن كان ذلك et de le contrer, ça ne suffit pas seulement de pas grave mais de vraiment de le contrer, de bien montrer qu'on est contre واعتقاد بطلانه et d'être conscient que c'est faux. D'accord ? Donc ça, c'est une des obligations, ça rentre dans la foi, c'est de mécroire et aussi d'être conscient que c'est faux. Combien, par exemple, quelqu'un dit « Oui, mais ça, c'est clair, c'est compris. » C'est pas compris chez tout le monde. Il y en a, par exemple, ils vont dire, il montre à la télé l'abbé Pierre. Voilà. Il montre les œuvres qu'il a fait. Et non, on sait. Toutes les œuvres, et mon Kiyama, elles sont basées à néant. « Wa qadimna ila ma amilu min amali, fada'annahu haba amman sura. » Toutes œuvres qu'ils font, elles tombent à zéro. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne dans ce bas monde. Quand lui dit, oh mon Seigneur, j'ai fait, j'ai ça, ben, il dit, je ne t'ai pas donné, je ne t'ai pas donné. Donc, tu as été compensé dans ce bas monde. Ben, vous avez compris ? Donc, il a dit, ah, mais peut-être qu'Allah, il va. Ah, tu doutes ? Et bien, combien ? Chez nous, des gens. Donc, ça fait qu'en vrai, il faut être conscient que tout ce qu'ils font, tant qu'ils n'ont pas fait la shahada, ils ne sont pas dans l'islam, tout est néant. Ça n'a aucune valeur. Yom al-Qiyama. Et ça, c'est pour ça que ça rentre dedans. On a dit, Famaniyak pour le Tarout, wa yu'min billah. L'un va avec l'autre. Ça se pose le Kunimatu Allah, wa yu'min billah. Les deux vont de pair. C'est pour ça que c'est très important ce point-là. Wa hunaka martabatul iman. Et il y a aussi le degré de la foi. Wa martabatul ihsan, et le degré de l'ihsan. L'ihsan, il y en a qui le traduisent par l'excellence. Et ainsi de suite, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le comprendre avec le terme français. Mais il faut comprendre le sens, comme le prophète nous l'a expliqué, c'est quoi ? C'est un ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Ça c'est l'ihsan, comme ça vous avez compris le terme ihsan, donc on peut employer le terme arabe comme ça. Comme il y a d'autres termes, hein. Prière, c'est pas bon comme traduction pour la salat. Parce que prière, ça veut dire, c'est immense comme terme, ça veut dire beaucoup de choses, prière. Hein. Mais la salat, en arabe, c'est une forme de prière. C'est seulement une forme, c'est pas la prière en elle, c'est une forme de prière. Ce sont des gestes, avec des paroles, des récitations, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la salat. C'est vrai que c'est... Il y en a même, ils préfèrent dire le terme arabe salat, et puis alhamdoulilah, tout le monde le comprend le terme salat. Donc ça, il y a des termes comme ça, de la traduction, elle, en elle-même, parler avec un non-musulman ou quelqu'un d'autre pourrait mal comprendre. Par exemple, tu dis à un kafir, j'ai fait ma prière et lui, il pourrait croire que tu t'es mis à genoux, tu as levé tes mains. Une invocation. Vous avez compris ? Comme eux, ils disent, j'ai fait une prière. C'est quoi pour lui, c'est d'invoquer. Donc c'est pour ça qu'il faut... Wa martabatu l'ihsan et le degré de l'ihsan. Wa kulluha dakhilatun fi din l'islam et tout... entre dans la religion de l'islam. Tous ces degrés-là entrent dans la religion de l'islam. Ad-dinu alladhi shara'ahu Allah li'ibadihi. La religion qu'Allah a légiférée pour ses serviteurs. Wa arsala bihi ar-rusul jami'an. Et c'est pour cette religion qu'il a envoyé tous les messagers. Wa martabatu al-islam tashmalu al-a'mal adh-dhahira. Et le degré de l'islam se compose des actes apparents. Bon, à la différence des actes de la foi. D'accord ? D'un côté, l'islam, ça englobe tout. Et de l'autre côté, il y a le terme islam, on sous-entend quoi ? Les actes apparents. Hein ? Comme la prière, comme le hajj, et ainsi de suite. Donc, alors le Cheikh Mohamed Abdallah continue, il dit « Ma'arifatu dini islam bil adillati, wa huwa l'islamu lillahi bil tawhid, wa inqiyadu lahu bil ta'a wal khulut min ash-shirk. » Ces termes-là, on les a traduits tout à l'heure. D'accord ? Dès une soumission complète à Allah, avec l'unicité, il y a un rabaissement à Allah dans son adoration et une sincérité contre le polythéisme. Wa huwa thalathu maratib, il est de 3 degrés. Al-islam, la soumission. والإيمان لا فوا والإحسان ولستم إحسان وكل مرتبة لها أركان الشك دغري أدي بيلي فأركان الإسلام خمسة لبيلي الإسلام فطنون دو دو سنك إلا الشيخ بن باز حفظه الله في الكومنت en disant وأركانه خمسة et ses piliers sont cinq شهادة أن لا إله إلا الله لا تستفسون كن يدجو كالله وأن محمدا رسول الله et que Mohammed est le messager d'Allah. Wa iqamu as-salat, et l'acquittement de la salat, wa ita'u az-zakat, et la donation de la zakat, wa sawmu ramadan, et de jeûner le mois de ramadan, wa hajju al-bayt, liman istata'a ilayhi sabila, et de faire le pèlerinage pour celui qui en a les capacités. Kama thabata dhalika 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été authentifié d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire rapporté dans un hadith authentique. Sabata veut dire authentique. Hadith ou sabit, comme un hadith sahih. C'est le même terme. Ce sont des synonymes. Et quand on dit kama sabata, comme il a été authentifié d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, buniyat islam wa ala khams. L'islam est bâti sur 5. C'est-à-dire 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajj al-bayt. Apporté par le Bukhari ou un musulman. Donc l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Mohammed est son messager, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de ramadan et de faire le pèlerinage. Le premier des piliers de l'islam, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et c'est avec cette parole-là que le serviteur entre dans l'islam. C'est la clé de l'islam. فيشهد أن لا إله إلا الله إلى تسكن يد Dieu كالله أي c'est-à-dire لا معبود حقا إلا الله il n'y a pas d'adoré en vérité ce n'est Allah ça ne suffirait pas de dire لا معبود إلا الله il n'y a pas d'adoré si ce n'est Allah parce que les معبودات il y en a qui adorent des vaches il y en a qui adorent des statues ainsi de suite les adorés il y en a mais elles sont toutes fausses. Il n'y en a qu'un qui est adoré en vérité, c'est qui ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il explique bien ça, il dit La ma'boud haqqun illallah. Donc, il n'y a pas d'adoré en vérité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya nafyun wa ithbat. Et dans cette phrase-là, La ilaha illallah, il y a quoi ? Il y a une négation et une affirmation. Nafi, c'est la négation. Wa ithbat, c'est. L'affirmation. Fala ilaha nafi. La ilaha est une négation. Il n'y a de Dieu. C'est une négation. Wa illallah, illallah, sauf Allah, si ce n'est Allah, là c'est une affirmation. Donc la première partie de la phrase, c'est quoi ? C'est que tu nies qu'il y ait l'existence d'un Dieu. Et dans la deuxième partie, tu affirmes qu'il n'y en a que un qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى يرحمك الله le Très-Haut a dit إياك نعبد وإياك نستعين c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons secours وقال et il dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يرحمك الله et il leur avait été ordonné il leur avait été commandé que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte exclusif. Le verset. Wa qala ta'ala, et le Très-Haut a dit Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Ceci parce que Shafak Allah. Ceci parce qu'Allah c'est la vérité. Et ce qu'ils invoquent hormis lui, c'est le faux. وهذا الفرس القرآني ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Mettre en pratique. Fala tanfa', elle ne sert pas. De dire la ilaha illallah sans la mettre en pratique, elle ne sert pas. Quand il dit la ilaha illallah, comme s'il dit la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, wa la yakhussu Allah bil ibadah. Mais il ne vaut pas un culte exclusif à Allah. Il fait aussi des cultes et des adorations pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن شهادته لا تنفع son attestation ne lui est d'aucune utilité. Quel munafiqin, comme les hypocrites. فإنهم يقولونها للذين cette parole là. Un munafiq c'est quoi? Quelle est la différence entre un munafiq et un kafir? Le munafiq, c'est celui qui fait la prière, mais le kafir, c'est celui qui fait l'islam. Voilà. Le munafiq, il montre l'islam, mais il ne l'est pas. Alors que le kafir, il est kafir, lui, il ne montre pas qu'il est musulman. Et c'est pour ça que le munafiq, lui, c'est le plus bas degré dans l'enfer. Lui, c'est le plus bas degré de l'enfer, c'est le munafiq. Donc, comme les munafiq, les hypocrites, فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَهَا إِلَّا دِيسَ وَلَا يَعْتَقِدُونَهَا Mais, ils n'y croient pas. Ils disent la ilaha illallah, mais ils ne croient pas en la ilaha illallah. وَهُمْ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلْ مِنَ النَّارِ Donc ils sont au plus bas degré de l'enfer. فَالَّذِي يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Donc celui qui dit la ilaha illallah, il n'est de Dieu qu'Allah. وَيَعْبُدُ الْقُبُورِ Et il adore les tombes. وَالْأَصْنَامِ Et les idoles. لا تنفعه بل هي باطلة. Elle lui est d'aucune utilité, mais plutôt elle est à néant, elle tombe. وأما الشهادة الثانية. On va parler sur la deuxième attestation. وهي et c'est أن محمدا رسول الله. Que Mohammed est le messager d'Allah. فدليلها قوله تعالى. L'argument c'est la parole du Très-Haut. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Un messager d'entre vous est venu à vous. C'est-à-dire, يعني, محمد عليه الصلاة والسلام تعرفونه. C'est-à-dire, c'est محمد صلى الله عليه وسلم, vous le connaissez. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à la Mecque, il avait quel âge? Il avait 40 ans. 40 ans de sa vie, il l'a vécu à la Mecque. Donc tout le monde le connaissait. Il savait de quelle famille il était, de quelle tribu il était, et qui il était. En 40 ans, on connaît, ils savent c'est la, quelle est cette personne-là et quelle qualité il a. Donc c'est pas un inconnu qui est venu d'autre part et qui est venu se proclamer étant prophète qu'eux ne connaissent pas. لِأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Car il est de chez vous. وَمِنْ أَشْرَفِ قَبَائِلِكُمْ Et en plus de cela, il est parmi les plus nobles tribus de vos tribus. مِنْ بَنِي هَاشِمْ Les Bani Hashim, c'est la plus noble tribu des Quraysh. Les Quraysh, c'est la plus noble tribu des Mekwa, des Arabes. Azizun alayhi ma anitum. C'est-à-dire, il est touché par ce qui vous touche. Imaginez le prophète sallam, comment il était clément avec sa communauté. Il n'aimait pas que sa communauté soit touchée par quelque chose. Il avait de la pitié pour elle, de peur qu'elle tombe en enfer ou qu'elle. Par exemple, comme exemple, Yom Kiyama, lorsque Prophète va voir des gens que les anges ramènent en enfer, il va dire ma communauté, ils vont lui dire quoi les anges? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Qu'est-ce qu'ils ont innové après toi. C'est tellement qu'il a de la clémence pour sa communauté. Et il a gardé, chaque prophète avait une doa, une invocation exaucée, spéciale. Tous les prophètes l'ont prise. Sauf le prophète Mohammed, il l'a gardé pour l'intercession pour Yom Kiyama. Regardez, les chefs à tout le cobra des rois de pour que c'est ça. Lui, il a préféré la garder pour Yom al-Qiyamah. C'est ça que le prophète, même Allah lui-même, il l'atteste dans le Coran. Il était touché par ce, la qualité par quoi il était touché. Et yashukku alayhi ma yashukku alaykum. Il lui est difficile ce qui est difficile pour vous. Harisun alaykum. Il fait très attention à vous. Yani ala hidayatikum. Il fait très attention à votre guidée, à votre guidance. C'est pour ça que pourtant comment il était patient avec sa communauté, comment il les a enseignés, comment il leur a enseigné, comment il. Même on faisait de lui ce qu'on voulait. Même une femme esclave, elle le trouvait dans sur le chemin, elle le prenait par la main, et il ne disait pas non, j'ai que ça. Non, il restait jusqu'à qu'elle termine ce qu'elle voulait. Quelqu'un, par exemple, il allait avoir un problème avec sa famille, il le tirait avec sa main pour pas que les parents ou le tuteur ne s'en prenne à personne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il partait. C'est moi qui était patient, il était clément avec sa communauté. Donc, wa inqazikum minan nar, et de vous sauver de l'enfer. Wa qala ta'ala, et le Très-Haut a dit Muhammadur Rasulullah. Muhammad, le messager d'Allah. Wa ba'da hadhihi ash-shahada, et après cette attestation, ala al-abdi an yuti'ahu fima amar. Après, il a attesté, la ilaha illallah. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend à cette personne-là? Il faut qu'il obéisse à son ordre. Wa an yusaddiqahu fima akhbar. Et qu'il croit et qu'il rend véridique ce qu'il a annoncé. Pas mettre en doute les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme certains essaient de le faire. Par X moyens. Parce qu'il y a plusieurs moyens de contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le chemin direct et il y a multitude de chemins indirects. Et combien prennent les chemins indirects? Parce que le chemin direct, il est dangereux. Parce que là, ça tu sors de l'islam directement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas l'attaquer de ce côté-là, ils vont l'attaquer avec d'autres moyens. Et ça fait beaucoup. Parce que le problème, c'était quoi à l'origine? C'est que le musulman, de lui-même, il n'a aucune connaissance. Parce que pourquoi? Parce que quand sa mère, elle l'a mis au monde, il ne connaissait rien. Allah dit en Coran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne connaissez rien. La ta'lamuna shay'a, vous ne connaissez rien. Mais il nous a donné des outils d'apprentissage. D'accord? Il a envoyé les prophètes pour nous enseigner. Donc sans l'enseignement des prophètes, on ne connaît rien. Donc le musulman, il n'adore rien, il ne fait rien. Sauf s'il y a l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Après, quand il y a eu les sectes, qu'est-ce qu'elles ont fait, elles? Elles ont d'abord cru en des choses, elles ont pratiqué des choses, et après, ils ont été chercher dans le Coran, dans le Hadith, tout ce qui pourrait confirmer leurs actes et leurs croyances. Et quand ils tombaient sur des textes qui étaient en contradiction avec ce qu'ils faisaient, ils cherchaient des moyens pour rejeter le texte. Pas directement, ce serait trop dangereux, mais indirectement. Par exemple, quelqu'un a une secte avec un problème dans la Aqidah. Il y a un hadith où il parle de l'aqida, mais en contradiction avec eux. Mais ce hadith a été inventé par 4 sahabés. Ils ont été faits, ils ont divisé les hadiths. Ils ont dit hadith ou hadith mutawatir. L'aqida, on prend que le hadith mutawatir. Parce que l'aqida, c'est un domaine très important. Il faut qu'il y ait une multitude de sahabas qui l'aient rapporté. Si c'est un, on ne peut pas le prendre. Allahu Akbar. Et surtout, même Cheikh Al-Albani, il disait que des fois, tu pourrais même t'en moquer de ces gens-là. Des gens qui sont quand même arrivés à un haut degré de science, comment ils ont pu s'égarer? Et dit par exemple, on va prendre un exemple. Mais ils ont dit Hadith al-Ahad, un hadith rapporté par un sahabi ou deux ou trois, pas beaucoup. Tu t'en sers dans l'ibada, mais pas dans l'aqida. Alors regarde bien, il y a des sectes qui ne croient pas en l'adab al-qabr. L'adab al-qabr, le châtiment de la tombe. Il y a des sectes qui n'y croient pas. Pourquoi ils disent? Il n'y a pas un hadith mutawatir qui a rapporté l'adab al-qabr. Vous suivez jusqu'à maintenant. Mais on sait que dans un hadith, le prophète, il disait quoi pour le tashahoud? Allahumma inni a'udhuka min azab al-jahannam wa azab al-qabr. Donc, dans leur tashahoud, ils le disent. Ils demandent à Allah de les protéger du châtiment de la tombe et ils n'y croient même pas au châtiment de la tombe. C'est contradictoire. Ils le disent. Allahumma inni a'udhuka min azab al-jahannam wa azab al-qabr. Vous demandez à Allah de vous protéger d'une chose que vous n'y croyez même pas. Donc ça, c'est un des exemples. Donc c'est pour ça que en premier lieu, c'est le texte qui t'enseigne. Voilà, tu crois en quelque chose, après tu essaies de trouver des textes qui sont avec toi. Ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que les meilleurs livres dans le fiqh sont les livres qui sont d'abord des hadiths, et après les commentaires des hadiths et les imams qui ont mis en pratique ces hadiths. Comme ce Boulou Salam, Shalh Boulou al-Maram. En contradiction avec les livres de fiqh. Les livres de fiqh, ce sont les idées, les opinions. Et quand ils veulent faire un tahqiq, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent et disent oui, cette opinion elle est bonne parce qu'il y a le hadith. Oui, mais toi, en premier lieu, c'était pas le hadith que tu voulais mettre en pratique, c'était l'opinion de l'imam ou d'un tel. Mais après, bon, pour confirmer aux gens que c'est bon, tu as été chercher le hadith. Donc, même si tu as raison dans tel domaine, mais en premier lieu, tu t'es trompé de chemin. Il fallait prendre d'abord le dalil, et après, tu restes qu'en pensent les imams et les ulama. Voilà, tu prends les paroles des gens, et après, tu ramènes le dalil s'il le faut. Vous avez compris? Deuxièmement, une erreur qui est faite dans cela. Par exemple, dans les mazahib, des fois, dans une pratique religieuse, avec les dalils, tu peux avoir deux ou trois manières de les faire. C'est bon? Comme par exemple, le doua à l'istiftah. Allahu Akbar, tu as une doua à faire. Subhanak Allahumma hamdik, que t'as un kasmoukha, t'as un doua, la ilaha illallah. T'en as un autre. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fatara as-samawati wal ardh. Il a khiri. T'en as plein des doua, tu peux dire. Tu prends celui que tu veux. Mais par exemple, dans un mazahib, eux ils disent que c'est cette doua là qu'il faut donner. Donc tu vas faire un tahqiq, va dire cette doua elle est authentique, elle est rapportée dans Bukhari, dans Muslim, ainsi de suite. L'autre mazhab il va dire nous chez nous c'est cette doua qu'il faut dire, on a un dalil, voilà. Ben là, et là il va dire bah donc c'est bon, ça c'est authentique, ça c'est authentique. Et qu'est-ce qu'ils disent les ulamas? Ils disent mais pourquoi avoir spécifié cette doua et pas celle-là? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit tous. Le haq c'est quoi? C'est qu'une fois tu dis celle-là et une fois tu dis celle-là. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Donc déjà, c'est pour ça que ça, c'est des choses au sol, il faut bien les comprendre ces domaines-là. C'est pas quelqu'un pour la raison, mais la base sur laquelle il est parti, elle n'est pas bonne. Même si à la fin, il a raison. Et ça, c'est un problème déjà. La base sur laquelle il est parti, c'est pas bon. C'est vrai qu'il faut être lavé. Après, il dit tasfiya, tarbiya. Tasfiya, c'est ça. Tu te nettoies. Et après, tu te rabats à l'haq. C'est la vérité. Vous avez suivi? Bon. Je crois qu'on va couper, on va faire la prière et on prendra après, Inch'Allah. يذكر أدي محمد رسول الله محمد المستجد الله وبعد هذه الشهادة يبقيت تتستفيون على العبد أن يطيعه فيما أمر يدمان دي سربيتر تليوبير سير صنور وأن يصدقه فيما أخبر كيل قوى كيل ساش كيلي فارول دي بروفيسور سون فيريديك وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر لكن سلواني لتوسيز انترزي وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لكن أدر الله كبار سكلا لجفري نحن لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فلا بد من هذه الأمور الأربعة لكم obligatoirement. Il faut ces quatre choses-là. Al-awwal, la première, ta'atuhu fima amar, son obéissance dans ce qu'il a ordonné. Min as-salati wa az-zakati wa ghayriha, comme la salat, comme la zakat, ou il vient d'autres choses. Al-thani, deuxièmement, tasdiquhu fima akhbar, anil akhirati wa al-jannati wa an-nar wa ghayri dhalika. De croire, de rendre véridique ce qu'il nous a annoncé. En ce qui concerne l'au-delà, le paradis, l'enfer et bien d'autres choses. Asal, troisièmement, wajtinabu ma anhu naha wa zajab. Et de délaisser, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit. Kazzina wa riba wa ghayri dhalika mimma naha Allahu anhu wa rasuluh. Comme la fornication, comme les intérêts et bien d'autres choses qu'Allah et son messager ont interdit. الرابع كثيرا وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لكن أدر الله كبار سكيلا لجفري فلا يبتدع في الدين لكي ننفى الرليجيون مما لم يشرعه الله ننفى الرليجيون سكى الله نفى لجفري لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الارجمان سي لقول جي بروفيس صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Quiconque fait un acte qui ne fait pas partie de nos commandations, recommandation, hein, et t'as rejeté. Au fil du Walatin, et dans une autre version, Man ahdatha fi amrina haza, ma laysa minhu fa huwa radd. Quiconque innove dans notre enseignement, ce qui n'en fait pas partie, est à rejeter. Ey mardoud, c'est-à-dire qu'il est rejeté. Wa iqamu s-salah wa ita'u s-zakah. Donc la Cheikh Ibn Baz commence ses paroles. Wa dalilu s-salah wa s-zakah, et l'argument, la preuve divine de salat et de zakat, wa tafsiru t-tawhid, et l'explication de l'unicité, qawluhu ta'ala, on attrapera le taf, inshallah. Wa dalilu s-salati wa s-zakah, wa tafsiru t-tawhid, et l'argument de la salat et de la zakat, et l'explication de l'unicité, qawluhu ta'ala, de la parole du Très-Haut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et ne leur avait été recommandé que d'adorer Allah sincèrement, lui voulant un culte exclusif, et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat, et voilà la religion de la droiture. وَقَالَ تَعَالَى, et le Très-Haut a dit, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils se repentent et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. وَقَالَ تَعَالَى, et le Très-Haut a dit, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Et s'ils se repentent et ils accomplissent la salat et donnent la zakat, laissez-les alors dans leur chemin. Wa sawmu ramadan wa dalil as-siyam, et l'argument du jeûne, qawluhu ta'ala, la parole du Très-Haut, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum. Donc en vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'entre vous. إلى قوله سبحانه jusqu'à sa parole glorifié soit-il, شهر رمضان, le mois de Ramadan. Tous ces versets-là, c'est sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. أي أن الصيام واجب عليكم كل عام في شهر رمضان, c'est-à-dire que le jeûne est une obligation pour vous chaque année lors du mois du Ramadan. وحج بيت الله الحرام, ودليل الحج, et de faire le pèlerinage vers la maison d'Allah sacrée. Et l'argument du pèlerinage, qawluhu ta'ala, la parole du Très-Haut, wa lillahi 'ala an-nas hajjul bayt. Hein? Et à Allah, et un ordre aux gens pour Allah d'accomplir le pèlerinage vers la maison. Al-aya, le verset. Wa huwa marratun fil 'umr, et c'est une fois dans la vie, là il parle de l'obligation. Le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hajj marratun fa man zada fa huwa tatawwu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pèlerinage c'est une seule fois, et celui qui rajoute, ce n'est qu'une il ne fait que des surrogatoires. Tatawwu, c'est ça, c'est surrogatoire. Et je crois que là qu'on va s'arrêter là, puis après c'est notre cours. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.